On va parler avec Heidi Levasseur. Heidi Levasseur qui est pas à un de ses... De, a toujours un défi, cette femme-là. Et samedi, elle va traverser le lac Saint-Jean aller-retour. Et c'est pas la... De mémoire, je pense que c'est pas la première fois qu'elle fait ça. On lui passe là, Heidi? Bonjour! Heidi, c'est pas la première fois, je pense. Tu me corriges si je me trompe que tu fais la traversée du lac Saint-Jean, hein? En fait, j'ai déjà réalisé la traversée. J'ai fait le tour du lac aussi, mais ça, l'aller-retour, ça, je l'ai jamais fait, par exemple. OK, tu l'as jamais fait. Donc, comment tu vois ça? Écoutez, c'est quand même une expérience remplie d'inconnus, nager la nuit. J'ai déjà nagé la nuit, oui, mais là, dans le lac Saint-Jean, possiblement des annonces d'orage, un peu de vent. Alors, faut s'attendre au pire. Alors, c'est une bonne pratique mentale pour moi. OK. Puis, retour de jour, ça devrait faire du bien de voir le soleil le lendemain matin. Ben oui, c'est sûr. Puis ça, faut le dire, c'est en préparation. On en parlait tout à l'heure, là, mais c'est en préparation pour la traversée de l'Atlantique qui aura lieu au mois de décembre prochain entre le Brésil et également le Sénégal. Mais, faut le dire, hein, le lac Saint-Jean, c'est à peu près, au Québec, là, comme préparation, là, c'est probablement la plus dure, hein. Oui, c'est certain que là, si on parle d'un événement plutôt intense à l'intérieur d'une journée versus l'Atlantique que je nagerai sur plusieurs mois, évidemment. Mais oui, en termes de défis techniques, il y a certaines choses que je veux tester au niveau de l'alimentation, au niveau de mes équipements, tout ça. Donc, c'est une bonne, un bel endroit pour le faire. OK. Dis-moi, la préparation que tu as fait pour le lac Saint-Jean, est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis quelques semaines, quelques mois, tu as fait la traversée du lac Saint-Jean? Oui, quelques mois. Ben disons que je m'entraîne régulièrement sur toute l'année. Puis, vers la fin de l'hiver, printemps, ben là, j'augmente mes séances de nage pour faire plus de kilomètres, plus de millages pour vraiment m'entraîner sur la distance. Tout ça en gardant le reste de mes activités équilibrées. C'est sûr que je suis pas là dans un cadre compétitif non plus. Alors moi, ce qui importe, c'est de vraiment rallier les deux bouts. M'assurer là que j'ai la forme pour ça. OK. L'an passé, Jacques Amiot est décédé. C'est sûr que tu fais ça, évidemment, en préparation pour ton gros projet. Mais tu disais dans le quotidien ce matin que c'est vraiment... dès que M. Amiot est décédé, tu as décidé de lui rendre hommage et à faire la traversée. Oui, ça a été une idée vraiment qui est survenue à ce moment-là. Je lui ai dit, tiens, ben pourquoi pas faire une traversée aller-retour? Parce qu'on sait que, bon, au début, il avait fait... il était le premier à traverser. Puis par la suite, quelques années après, ils ont décidé de faire la traversée aller-retour. Je trouvais que c'était une belle façon là de... justement de remémorer tout ça, puis en même temps c'est un homme qui m'a inspiré puis qui a inspiré beaucoup de gens. Alors je veux continuer de propager cette inspiration là pour que les gens en bénéficient puis que ça les encourage, peu importe le défi que vous avez dans la vie, ben on l'entreprend, on se dépasse, puis moi c'est ma façon de vivre, puis je suis très fière de ça. Adi, je t'ai connu il y a quelques années, t'as fait la traversée du lac Saint-Jean, puis t'as décidé de faire des défis comme ça au lieu d'y aller avec du côté plus compétition. Est-ce que tu regrettes des fois ton choix ou t'aimes beaucoup mieux faire ça? Oui, moi j'aime beaucoup ce que je fais, ça me correspond. En même temps, j'ai voulu sortir des cadres de la compétition, peut-être parce que bon, c'est peut-être pas mon plus grand talent d'être vraiment compétitive, d'être vraiment rapide, puis j'ai décidé d'y aller vraiment avec mes forces, puis d'exploiter ce potentiel-là, de nager sur plusieurs jours, des expéditions, puis j'ai découvert à travers ça que ça me permettait d'appuyer des causes, de justement pouvoir donner un message, faire quelque chose de plus grand pour moi qu'un défi personnel, on va dire comme ça. OK. On a bien hâte de voir ça, évidemment. Là, tu as décidé d'y aller avec l'Atlantique. C'est un gros... la traversée de l'Atlantique, c'est vraiment quelque chose, un gros projet que tu devais faire l'an passé. C'est entre le Brésil et le Sénégal. C'est une grosse préparation. Sénégal vers le Brésil. Ah, Sénégal vers le Brésil, OK. Oui. Donc, c'est une grosse préparation. C'est vraiment pour ça que tu... Pourquoi avoir fait ce projet-là? Pourquoi décider d'entreprendre l'Atlantique? Ben, parce que je crois que je suis capable de le faire. Premièrement, oui. C'est une réponse assez simple. Ça s'est jamais fait. Okay. Donc, on dit que bon, il y a déjà un homme qui est allé sur la Lune en 1969, mais il n'y a encore personne qui a traversé l'Atlantique à la nage. Puis ben, je veux faire ça, moi. Okay. Je veux montrer que c'est possible de réaliser cet exploit-là. Puis en même temps, ben avec on entend beaucoup parler de la pollution des océans, des changements climatiques, l'acidification des océans, la pollution. On est peut-être moins touché directement au Québec là, parce que on a de la pluie, on a de l'eau potable, mais c'est vraiment pas le cas partout sur la Terre. Puis je pense que c'est important de sensibiliser à la fois la communauté, à la fois notre pays, continuer d'en parler, que de plus en plus on devienne éco-responsable puis on prenne soin de notre planète, parce qu'il n'y a pas de planète B, hein. Ouais. En tout cas, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat là-dessus, Heidi. Si, mais ta préparation là-dessus, c'est quoi? Je veux dire, actuellement, donc, tu fais justement des courses comme ça et ainsi de suite. Dis-moi, c'est quand même un gros projet. Tu parles de 1 million en tout et partout, parce que tu es 180 jours. Oui. Oui, c'est ça. C'est un projet d'un coût d'évalué à 1 million. Bien sûr, parce que ça prend un bateau qui est un peu comme une maison, finalement, donc un catamaran de 20 mètres. Donc, ce bateau-là, on doit le louer, on doit avoir tous les équipements, tout ce qu'il faut à bord. Évidemment, on a besoin de personnel. J'ai 7 membres d'équipage. Il y a aussi tout ce qu'on aura besoin en cours de route en termes de d'alimentation, en termes de ravitaillement. Donc, puis en termes de déplacement aussi pour se rendre de l'autre côté, bien sûr, toute la gang. Ben tout ça, ça a des coûts. Puis une fois comptabilisé, ben on arrive vraiment là à tout près d'un million. Une bonne partie sera assignée par notre documentariste. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, il reste quand même un petit manque à gagner. Puis dans ton projet de 180 jours, est-ce que c'est clair? Tu vas y aller sur combien? C'est 3000 km à t'es partout. T'as-tu un nombre de kilomètres que tu vas faire par jour? C'est-tu divisé ou ça va dépendre de comment que c'est dur? Je veux dire, il y a des journées que tu vas faire moins de kilomètres que d'autres. Ouais, il y a un peu tout ça, donc c'est sûr qu'on est on est tributaire des conditions atmosphériques, des conditions de la mer, des courants. J'ai évalué peut-être un peu grossièrement là, ben en fait, j'ai fait une moyenne à 20 km par jour, mais évidemment des fois ça peut être 40, des fois ça peut être 15, des fois ça va être une journée de repos. Des fois la mer va peut-être être trop difficile pour nager. Alors on va prendre nos décisions au jour le jour. Okay. Pour en ce qui a trait à mes séances de nage, est-ce que je nage ou pas, est-ce que je nage 8 heures ou moins, etc. Donc ça va être vraiment en me suivant que vous allez tout découvrir qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, je peux seulement faire qu'il y a une prédiction le plus avec une marge de manœuvre là, 4 à 6 mois. As-tu une idée de comment que ça se passe pareil? Y a-tu des endroits que c'est plus difficile que d'autres? T'sais, le lac Saint-Jean, on sait que il est très très très embêtant pour les nageurs, mais est-ce que de ce que tu as vu, là, y a-tu des endroits que tu sais qui vont être plus difficiles? C'est certain que sur les côtes, on peut s'attendre à un peu plus de turbulence, des précipitations moins précises, des variances de température. Puis à l'arrivée aussi là, vers le Brésil, où il y a un courant là qui semble vouloir aller plutôt vers le nord que vers la côte. Donc, il faudrait être très vigilant là-dessus. Okay. Puis pour ça, ben je suis allée me chercher vraiment des spécialistes, des océanographes qui vont pouvoir me diriger là au jour le jour, puis de semaine en semaine pour optimiser mon trajet. Okay. Puis réaliser là ce défi technique là. As-tu beaucoup de monde qui va être autour de toi, qui vont te conseiller, qui vont te... Oui. Il y a des océanographes, il y a évidemment il y a une équipe de marketing, il y a une équipe qui va relayer sur les réseaux sociaux, donc pour faire le lien avec la Terre, pour que les gens puissent faire recevoir de l'information sur le blog, etc. Puis aussi ben il y aura une carte du monde qui va me permettre de me voir là en direct. Ben, pas me voir moi, mais voir le point GPS sur lequel je me suis me situe là à chaque jour. Donc, ça va être possible de me suivre comme ça. OK, OK. Donc, on parle de quoi? 10 personnes à peu près? Oui, une dizaine de personnes. OK, OK. Ouais. Bon. Ben, Heidi, on va te souhaiter la meilleure des chances samedi. Ça commence à 21h. Tu prévois, si tout va bien, arriver à 14h, quoi? Oui, on va essayer de s'ajuster avec les compétitions là, qui auront lieu dans l'arabe. Donc, à peu près à travers ça ou juste un peu après, là, je devrais être en mesure de rejoindre le bar de Robertval. OK. Ben, Heidi Levasseur, gros merci, félicitations et bonne chance pour tes projets. Merci à vous. Heidi Levasseur. Je vais te suivre sur Facebook. Oui. Heidi Levasseur qui va faire la traversée du lac Saint-Jean des retours samedi, qui va traverser l'Atlantique au mois de décembre prochain.